Bienvenue au 40e épisode du podcast des Nous. Le podcast des Nous est une présentation des Nous. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety créée par Twin Musicom, dont vous pouvez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au lepodcastdanou.blogspot.ca, discuter sur le forum lepodcastdanou.probb.fr et nous rejoindre par email au lepodcastdanou@modmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man! Aujourd'hui, je vais vous parler du film Future Hunters, sorti en 1986. Le film qui aurait lancé la carrière de Robert Patrick, mieux connu comme le T-1000 dans Terminator 2. C'est une coproduction entre les Philippines et les États-Unis. L'histoire est ridiculement mauvaise et souvent à peine cohérente. Le jeu des acteurs est ultra exagéré ou inexistant. La photographie est à chier. Le montage est vraiment pas terrible. Les scènes d'action auraient sans doute pu être bonnes si elles avaient été mieux filmées, mais elles sont tout de même assez souvent pas mal. Les musiques sont étonnamment bonnes si on aime le style des films d'action du milieu des années 80. Malgré que le montage soit toujours douteux, y compris pour l'utilisation de la musique excepté certains moments, surtout le début du film, c'est pas super intéressant. C'est à propos d'un type qui vient d'un futur post-apocalyptique et avant de mourir, donne à un couple la tête de la lance de Longinus après leur avoir sauvé la vie. Ceux-ci doivent ramener la lance à bon port en évitant que les forces du mal s'en emparent. Devinez qui sont les forces du mal? Je ne vais pas vous dévoiler un punch aussi incroyable. Le film commence par une scène de poursuite automobile dans le futur. Il faut dire que le maquillage des voitures et les vêtements des acteurs ont de la classe. Ça marche plutôt bien avec les musiques. Dommage que la photographie soit aussi moyenne, mais cela pourrait donner l'impression que le film est meilleur qu'il ne l'est. On a un film d'action qui vole plein de clichés à des films tels que The Road Warrior ou bien des films de Kung Fu. Il y a même un acteur qui s'appelle Bruce Lee avec un I et non deux E. Si vous vous souvenez de mon système de cotation, qui est sur 5, je donne 5 à un chef-d'œuvre, 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, 3 à un divertissement honnête, 2 à une œuvre moyenne, 1 à une œuvre mauvaise et 0 à une nullité, telle que M. Trump. Donc, après tout ce que je viens de dire, on doit supposer que ce film mériterait un 1. Eh bien non. Ce film, dans sa nanardise, est hilarant, avec des moments à se rouler par terre. Le grand jeu des acteurs et le ridicule de l'intrigue y sont pour beaucoup, et les musiques restent bonnes, bien qu'elles ne cadrent pas toujours avec le film, notamment son montage. Je lui donne donc une note de 3. À la prochaine.